La cérémonie de constitution du comité pour chérir la mémoire du président Kim Il-sung à l'occasion du 23e anniversaire de son décès a eu lieu à Bâle, Suisse. Y ont pris part les membres du comité préparatoire pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes avec 2017, le comité suisse-coréen et le cercle d'études des études jutées. On y a publié une déclaration qui note « Le décès du président Kim Il-sung est la plus grande perte du peuple coréen et des adeptes des études jutées et de Songun. » On a fixé l'espace du 5 juin au 9 juillet comme période de souvenir et décidé de présenter largement à travers les médias des œuvres classiques et les immortels exploits du président et d'organiser des cérémonies variées comme meetings de souvenirs et séminaires sur ses exploits.